Lundi 1er février, bienvenue à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques d'assemblage requis. Évidemment, les chroniques technologiques CNX de la semaine du 25 janvier, c'est ce qu'on compresse aujourd'hui. Il va y avoir Autour du net et le fil, ce sont les deux chroniques qu'on a eues la semaine dernière. Tout ça en plus de musique de jeux vidéo. Justement, on va commencer par un petit peu de musique de jeux vidéo. Et un groupe qu'on entend très souvent ici à CNX.zip, c'est le J. Arthur Keen's Band. Il est en deuxième position du palmarès de 8-Bit Collective en ce moment même. Avec cette pièce-là qu'on écoute à l'instant, voici Color Television sur C'est fou 89.1 FM. J. Arthur Keynes et la pièce Color Television, c'est le numéro 2 présentement sur 8bitcollective.com avec 72 personnes qui ont mis un petit cœur comme quoi c'est leur pièce fétiche. J'adore J. Arthur Keynes. Très, très excellent. C'est à CNX.zip, l'émission qui compresse les chroniques technologiques CNX d'assemblage requis. On commence par la chronique de lundi dernier. Voici Autour du net. Lundi. Oh oui, dans la chronique technologique CNX aujourd'hui, on parle de choses qui se sont passées sur Internet. Puis moi, je vais être au courant de ce qu'il y a de drôle et de le fun et que les gens s'envoient sur les Facebook, là, les différents MyFacePage Twitter. Ouais, vas-y, je sens que j'ai justement du retard à rattraper. Est-ce que c'est le moment, Mathieu, où tu me suggérerais de changer de place? Ah, ben bonne idée, oui. Okay. Je te suggérerais ça. Viens-t'en de mon côté, viens ici, moi. On parle d'un blog pour commencer qui s'appelle Men Who Look Like Old Lesbians. Donc littéralement des hommes qui ressemblent à de vieilles lesbiennes. J'apprécie pas du tout l'idée de faire ce site-là, mais c'est ce qui fait le tour du net en ce moment et ça peut être cocasse pour certains. On parle d'hommes qui ont l'air de lesbiennes butch. Bon,

Retour à la chronique Le Fil à CNX.zip. Ah, tu me prends pour un imbécile, hein? C'est fou, ça va laser. 89.1 CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. Bonjour, vous êtes toujours à CNX.zip, c'est l'émission la plus geek de la radio et cette semaine, on compresse les chroniques technologiques CNX de la semaine du 25 janvier 2010. Il nous reste le fil à entendre, c'est la chronique de mercredi, mais avant ça, on retourne en chiptune pour aller entendre un artiste qui se nomme Massive Until Morning. La pièce est 22-11-09. Je devine que ça a peut-être rapport avec une date. J'ai aucune idée. Et puis après ça, on reviendra avec la chronique de mercredi. Le Fil, vous êtes à CNX.zip, l'émission la plus geek de la radio. We'll be right back. L'artiste Massive Until Morning avec la pièce 22-11-09 à Cynix.zip. C'est numéro 5 du palmarès de HitBitCollective.com. On continue avec la chronique de mercredi dernier. Voici le fil. Mercredi. Aujourd'hui, dans la chronique technologique CNX, c'est le fil, donc le tour des nouvelles geeks. Et aujourd'hui, ben, c'est pour ça qu'on a fait aujourd'hui, en fait, parce que la grosse affaire, la révolution mondiale primeur exclusive, ça vient d'être annoncé il y a à peu près, je dirais, 2 heures et demie. En tout cas, ça commence à faire un bout, je pense que 3 heures, à peu près, c'était vers les 13h15 aujourd'hui. La célèbre iPad, la nouvelle tablette d'Apple qui a été annoncée, les photos sont sorties sur gizmodo.com, entre autres, la galerie est vraiment géniale. Parlons-en, donc la conférence d'Apple qui vient de prendre de fin là au Yerba Buena Center de San Francisco. Lisons l'article de Branchez-vous. Seulement quelques minutes après le début de l'événement, le patron de l'entreprise, Steve Jobs, a présenté la tablette tant attendue. L'iPad, c'est son nom, oui, c'est pas juste le nom de serviette féminine. Steve Jobs prétend que l'iPad est un produit hybride regroupant le meilleur des caractéristiques des téléphones intelligents et celles des portables ou des netbooks. Et je cite, « L'iPad est plus affectif et intime à utiliser que le premier et est plus facile à piloter que le second. » De toute évidence, dit l'article, Steve Jobs est persuadé que l'iPad comblera le vide existant entre ces deux types d'appareils. Donc, caractéristiques, allons-y dans les détails un petit peu plus juteux, là. Une version de base commercialisée à $500 américains dès la fin du mois de mars. L'iPad mesure 9,7 pouces comme le Kindle DX et 3 fois plus gros que le iPhone. Donc, le Kindle DX, c'est le modèle super size là, du Kindle où on peut lire des journaux, entre autres. C'est Amazon qui fait ça. Épaisseur 1,27 cm, écran tactile de 25 cm. Poids de l'appareil 1,5 livres, 680 grammes. Ça roule sous le système d'exploitation iPhone 3.2. Tous les modèles sont dotés de Wi-Fi et quelques-uns offriront le 3G en option, nous dit-on. 3 capacités de stockage en mémoire flash, 16, 32 et 64 gigs. Prise en charge des vidéos HD. Autonomie des batteries de 10 heures en lecture de vidéo et de 1 mois en veille. 1 mois. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prise en charge des vidéos HD, ça je l'ai déjà dit. Accéléromètre comme l'iPhone. Prise en charge des applications de l'iPhone, soit en mode tout petit centré dans le milieu de l'écran ou encore blow-up total de 2 fois la grandeur où les graphismes commencent à être moins beaux, mais quand même au moins les applications vintage peuvent fonctionner. Bluetooth, microphone, haut-parleur. Par contre, il n'y a pas de mode multitâche, pas de caméra et pas de vidéoconférence. Jusque-là, qu'est-ce que vous en pensez, Simon et Kiwan? Est-ce qu'on peut appeler? Pour le commander? Non. Est-ce qu'on peut appeler dessus? Parce qu'il y a les mêmes choses que l'iPhone dessus. Non. Pas que je sache, on peut pas appeler. Non. Mais c'est quand même intéressant. Mais là, tu dis que justement, un système d'exploitation du iPhone. Ouais. J'imagine que là, t'es pas nécessairement calé dans le domaine. Là, ça vient d'être annoncé. Mais donc, est-ce qu'on n'aurait pas de système d'exploitation style Mac OS? Non, c'est ça. C'est la déception de certains. Mais en même temps, ça dépend de ce que tu veux faire. Parce que si t'es pour avoir... le système d'exploitation de macOS avec toutes les applications puis commencer à faire aussi bête acheter un MacBook dans ce temps-là. Ça aide beaucoup. Mais c'est le premier modèle, donc peut-être qu'avec le temps, il pourrait faire un modèle professionnel où tu pourrais vraiment faire tout ce que tu as à faire, un écran 17 pouces, etc. Mais je crois que le marché qui vise, c'est plus le marché... Ouais, justement, ça s'adresse à qui? Qui va acheter ça, d'après toi? Ceux qui sont assis dans leur salon, peut-être, ou peut-être sur la toilette. Ce qu'on appelle en anglais des hipsters. Oh, les bling-blingers. Habituellement, les consommateurs de Mac. Non, c'est une blague de une blague qu'on se rend entre consommateurs de Linux. Ouais, non, vous êtes vraiment plutôt... ouais, je sais. On n'est pas beaucoup. Donc, gang de nerds dans le coin. Non, on s'apprécie quand même. Je trouve que c'est quand même intéressant. Ça faisait longtemps que je couvrais cette supposée sortie. Donc, on attendait à la pilule du lendemain. On en parlait. Et j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air, comment ça va être. On va en parler encore un petit peu plus. L'iPad qui peut servir de lecteur de livres électroniques. C'est basé sur le modèle de l'iTunes. Nous dit encore une fois, branchez-vous. Apple propose aussi une librairie en ligne qui s'appelle le iBook Store, un concurrent de Google Books. Apple profiterait même d'un partenariat avec 5 des plus grands éditeurs du monde. De plus, les intéressés vont pouvoir jouer à leurs jeux, envoyer des courriels, visionner des photos et des vidéos et lire des livres. Donc, ce serait pour les gamers, casual gamers peut-être, les gens qui aiment jouer à Bejeweled, des affaires comme ça, qui vont sur Hotmail lire leurs petites affaires, regarder YouTube, des trucs comme ça où tu n'as pas vraiment besoin de clavier. Lors de la conférence, un keyboard dock a été annoncé en option. Donc, pour brancher, avoir un vrai clavier presque comme un portable, finalement. Sinon, l'iPad peut être inséré dans ce clavier-là à la verticale pour tenir debout. comme un portable encore une fois. Le prix de la tablette se situe entre 500 et 829 $ américains. La version 3G, donc sur un réseau, ça va utiliser le réseau de AT&T aux États-Unis, avec deux types de contrats, 15 $ par mois pour 250 MB, 30 $ par mois pour le plan illimité. Modèle 16G, 500 $, 32 GB, 600, version 64G, 700 $. Si l'usager désire ajouter le 3G à son iPad, il va devoir ajouter 130 $ américains au montant. Les modèles proposant le Wi-Fi vont être disponibles dans 60 jours et ceux intégrant le 3G dans 90 jours. Si vous voulez voir les photos surtout et la vidéo, allez voir les liens que j'ai mis sur assemblagerequis.com. Ça vous renseigne sur pas mal tous les petits détails. Il y a même des photos de gens chez Gizmodo qui l'ont pris dans leurs mains. Donc, ça vous intéresse de voir la comparaison avec d'autres appareils comme le iPod Touch ou le Kindle. C'est la place. Jusque-là, vendu pour vous autres ou pas vraiment à ces prix-là? Ah, j'en veux un, c'est sûr. Ah, qui one? Simon? Moi, je regarde mon iPod de 5e génération et je me dis, ah, la technologie. C'est ça que tu dis? Ouais. Comme dans j'en veux un? Ou? Ben, je sais qu'il y a des tablettes égales qui sont sorties qui utilisent le système d'exploitation Linux, donc je vais essayer. Peut-être, si jamais j'ai à magasiner, je vais envisager Mac, mais je vais regarder toutes les possibilités. Mais j'avoue que le prix est très intéressant. Ouais. Sur Gizmodo, il y a plein d'articles en rafale. Si vous y allez en cliquant sur Apple Tablet, là, vous allez voir plein de petits détails. Entre autres, une analyse qui dit qu'Apple essaie de tuer les laptops avec... Ce petit gadget-là. Donc, avec le temps, peut-être que ça deviendra une ligne de laptop. C'est peut-être l'avenir, vraiment. Là. Vraiment. C'est ce que bien des gens disent. Sinon, passons à d'autres nouvelles dans la chronique CNX. Le fil, on parle de 60% des Américains connectés qui font usage des réseaux sociaux. Les statistiques de Forrester présentent plusieurs statistiques qui permettent de jauger l'évolution des réseaux sociaux aux États-Unis et le profil de leur utilisation. Parmi les Américains connectés, 33% mettent à jour leur statut au moins une fois par semaine et 70% consultent du contenu accessible depuis divers médias sociaux ou réseaux sociaux. La comparaison entre les données actuelles de Forrester concernant le comportement des internautes sur la toile par rapport à la création et la consommation de contenu et celle datant d'il y a 2 ans ne révèle pas de grands changements. À une exception près, une nette augmentation des interactions se basant sur un mode de conversation a été notée. Depuis les 2 dernières années, le groupe d'internautes qui utilisent des sites tels que Facebook et Twitter pour amorcer des discussions avec leurs contacts grâce à la mise à jour de leur statut, ce qu'on appelle les conversationnalistes dans l'étude, et celui qui a connu la plus nette progression. Les créateurs, ceux qui publient du contenu sur leur blog ou qui créent leur propre page web, représentent 24% des internautes américains. Le nombre de créateurs semble s'être stabilisé depuis quelques années. Et finalement, les spectateurs qui se contentent de lire les blogs, d'écouter des balado-diffusions et de consommer divers types de contenus virtuels représentent plus de 70% des internautes. L'étude de Forrester démontre aussi que 17% des internautes sont inactifs et qui ne participent d'aucune façon aux réseaux sociaux. Eh ben. Bill Gates est sur Twitter. Non? Pas de variation debout? Yay! Voici ce qu'a dû se dire Bill Gates en s'inscrivant à Twitter. « Mieux vaut tard que jamais », dit l'article. Non sans surprise, la nouvelle a vite fait le tour du site de microblog et une moyenne de 10 000 internautes par heure s'est précipitée pour lui souhaiter la bienvenue. Jusqu'à maintenant, Bill Gates a écrit 5 tweets. Le premier étant « Bonjour le monde, travaille dur sur le bulletin de ma fondation, je le publie le 25 janvier ». Ses autres tweets démontrent son inquiétude et son suivi des conséquences du séisme survenu en Haïti. La fondation Gates, qu'il dirige, soutient les efforts déployés en Haïti en passant. Monsieur Gates semble très populaire auprès des membres de Twitter avec ses 200 000 abonnés, mais semble assez sélectif dans le choix de ses abonnements. À l'heure de la publication de l'article, Bill Gates suivait que 40 personnes, ça a dû monter tout ce temps, groupe, fondation, etc. Il suit le Times, TechCrunch, Microsoft, évidemment, World Food Prize, etc. Donc voilà pour Bill Gates sur Twitter. Passons ensuite à un premier message Twitter envoyé depuis l'espace. Tiens, un astronaute américain en poste dans la station spatiale a envoyé pour la première fois un message Twitter depuis l'espace après s'être vu doté d'une connexion Internet personnelle, a annoncé de la NASA. Ça commence quand même à faire un petit bout, mais je vous tiens au courant. Ça. Salut Twitterverse. C'est comme un univers et Twitter. Bon. C'est ce qu'a écrit TJ Timothy Creamer, ingénieur de vol de la NASA. Il dit « Nous sommes en direct depuis l'ISS. Voici le premier tweet de l'espace. » Petit exploit rendu possible grâce à une amélioration du système informatique de la station spatiale qui permet à ses membres d'avoir maintenant un accès à Internet. YouTube se lance dans la location de films. les gars, peut-être plus intéressant pour vous, la question de films sur YouTube, non? On va pouvoir louer des films sur YouTube. Ben oui. YouTube, qui appartient à Google, fera ses débuts à titre de club vidéo en ligne pour aider à faire la promotion de films qui seront présentés au prochain festival du film de Sundance. YouTube espère que l'expérience encouragera davantage de studios à offrir leurs films sur le site. Avec ce nouveau service qui a été annoncé, YouTube souhaite concurrencer la boutique iTunes d'Apple, Amazon.com, Netflix et Blockbuster. Les premiers films seront disponibles au coût de 4 $ américains pour une période de 48 heures, donc période de visionnement de 48 heures. Les studios de cinéma pourront établir leur propre liste de prix et offrir des périodes de visionnement allant jusqu'à 90 jours, de 1 à 90. YouTube va recevoir évidemment une commission pour chaque location. La grosse nouvelle qui est annoncée aujourd'hui, à part le iPad, et ça, ça va intéresser, en tout cas, je pense que ça va vous intéresser les deux, Kéwan et Simon, si vous écoutez un petit peu de télé. Quelques 2000 heures de télévision sont maintenant disponibles sur le nouveau site tout.tv. Vous avez peut-être entendu parler? T'en as parlé ce matin? Ouais, j'en ai parlé ce matin, okay. Puis même que je suis allé hier faire un tour et j'ai pas réussi à voir les vidéos. Et je leur ai envoyé un commentaire. C'est sur Linux, hein? C'est toi que j'ai vu ton commentaire, je pense, ou un des membres de ta secte, finalement. C'est possible, j'en ai parlé et on m'a renvoyé un courriel 2 heures après pour me demander quels étaient mes specs, comment ça fonctionnait mon ordinateur et je devrais avoir une nouvelle très bientôt. Je trouvais que c'était très, très rapide. C'est une version bêta, donc c'est normal. Quand on utilise Linux, il faut quand même faire des compromis. Comme cela. Ben, il y a ça, oui. Je suis allé sur un Mac pour aller voir le site, visiter. C'est très, très intéressant. Ouais, ben, c'est ça. Les gens chialent sur Linux, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, Radio-Canada va pas attendre 3 ans pour réussir à tout faire, tout régler les bugs avant de le lancer. C'est ça. Faut attendre quand t'es sur une plateforme alternative marginale comme ça. Donc, tout.tv qui promet au public ses émissions préférées intégralement et gratuitement présente non seulement des émissions diffusées actuellement par les chaînes de la Radio-Canada, de la SRC, la Société Radio-Canada, RDI, RTV, mais également des émissions qui ont quitté l'antenne, des émissions produites juste pour le web et des émissions de Télé-Québec, de TV5 et de chaînes suisses et belges. Wow. C'est génial. C'est comme le Hulu francophone. Hulu qui est avec NBC et Fox, très populaire aux États-Unis. Il y a du tac au tac là-dessus. Hey, les pieds dans la marge. C'est bon, les pieds dans la marge. J'adore ça. Pour écouter Virginie aussi. Ah bon, ça, on passe. Quel show. D'autres réseaux devraient s'ajouter et le vice-président principal de Radio-Canada n'exclut pas d'en venir un jour à un accord avec TVA. Bonne chance là-dessus. La télévision publique a dévoilé en grande pompe, en présence de plusieurs vedettes, là, ce projet qui avait été tenu secret jusqu'à très, très, très récemment. Tout.tv qui permet aux internautes qui en ont les possibilités techniques de regarder en quasi haute définition tous les épisodes de nombreuses émissions. La résolution de l'image est censée s'ajuster automatiquement pour leur offrir la meilleure qualité que leur permet leur connexion Internet. Et c'est vrai. C'est très vrai. C'est vrai. Ouais. J'ai écouté un film hier. Pas un film, mais une émission dessus hier sur un Mac. Oh. Et j'ai essayé les trois qualités et ça change automatiquement. Il n'y a rien qui arrête. Le streaming n'arrête pas. Génial. C'est génial. Sérieusement, c'est excellent travail de l'équipe web. On peut pas les complimenter plus que ça. Branchez votre ordinateur sur une télé, là. Ouais. C'est le paradis. Effectivement, mais Radio-Canada, je trouvais qu'il était en retard un peu là-dessus, justement. Ouais. Au Québec, en général, on est en retard. Au niveau anglophone, on a réussi à faire de quoi quand même de bon, mais c'est ça. Et tout à fait, tout à fait. Donc, allez-y pour voir des émissions. On mentionne dans l'article les parents, Trauma, Mirador, tout ce que vous connaissez, Dr. Gray. Les belles histoires des pays d'en haut sont là, le temps d'une paix découverte. C'est malade. L'article vient de la presse canadienne. Le temps file, je vais vous laisser choisir le dernier article pour qu'on passe à autre chose, les gars. Vous avez ordinateur en anglais, se plaindre à la compagnie, ça fonctionne. Les écouteurs peuvent causer des dommages permanents. Le top 10 des jeux les plus vendus depuis 1995. Le jeu Muscle March qu'on connaissait au Japon, qui avait fait fureur sur le web, qui serait aux États-Unis aussi. Et finalement, Sony qui retarde le lancement de sa manette PlayStation 3 avec contrôle des mouvements. Vas-y, Simon. On en choisir un? Oui, ouais, choisir un. Top 10 des jeux, top de 95. D'accord. Le NPD Group a révélé un top 10 des ventes cumulatives de jeux vidéo sur console aux États-Unis depuis les 15 dernières années. Alors que la première décennie de ce nouveau millénaire, bon, on s'en fargera pas les fleurs du tapis sur qu'est-ce qu'un millénaire ici, là. Le NPD Group s'est prêté à cet exercice amusant. La première position de ce palmarès fera couler beaucoup d'encre, dit l'article de Branchez-vous, section jouets.com. Ça dit, donc, c'est remarqué qu'elle devrait plutôt appartenir à Wii Sports, disent-ils, compte tenu que ce jeu était offert avec la console, oui, comme les autres ne le sont pas. Force est de constater que la stratégie de Nintendo a porté fruit et que Modern Warfare 2 fasse son entrée en 4e position. Donc, allons-y, on va les dire en ordre. Namco Museum de 1995 est en 10e. Call of Duty World at War de 2008 est en 9e. Madden NFL 07 de 2006 est en 8e. En 7e, c'est Call of Duty 4 Modern Warfare de 2007. En 6e, Mario Kart Wii de 2008. En 5e, Wii Fit avec la Wii Balance Board, ça date de 2008. En 4e, Call of Duty 4 de 2009 sur PS3, Xbox 360. En 3e, Grand Theft Auto San Andreas de 2004 sur PS2 et Xbox. En 2e, c'est Guitar Hero 3 Legends of Rock. De 2007 sur PS2, PS3, Wii et Xbox 360. Et finalement, le jeu le plus vendu depuis 1995 est Wii Play avec la télécommande Wii. C'est sorti en 2006. D'ailleurs, le NPD Group s'était prêté à l'exercice l'an passé, mais pour les 10 dernières années seulement, ce qui explique que l'apparition de Namco Museum dans le palmarès des 15 dernières années dit jouer.com. Voilà, le reste des liens vont être sur assemblagerequis.com. Mais à part lui, là, c'est pas mal tout dans les 4-5 dernières années, donc on voit que la vente est vraiment en progression, puis ça va juste augmenter. Hein. Effectivement. Ce n'est qu'au début, ce n'est pas fini, ce n'est pas de commencement. Je connais pas les paroles de la toune de Star Academy, je pourrais arrêter de dire aussi. En fait, les programmeurs, les développeurs de jeux ont dit qu'il y aurait peut-être un ralentissement dans les prochaines années, mais ça va venir avec la nouvelle génération de jeux qui vont venir bientôt. S'il y a de quoi, c'est peut-être parce qu'aussi une plus grande diversité, plus de consoles, plus de jeux, donc ils vendent moins de chaque. 60 millions de Wii, 30 millions de Xbox. Je crois 35 millions de Xbox, 30 millions de PlayStation ont été vendus. Donc c'est moins un monopole, donc... Ça peut être que, ouais, c'est ça. C'est une bonne théorie. C'est pas nous les geeks, c'est Mathieu. Pourquoi on parle de ça? Ouais, pourquoi? Je ne fais que relater les faits. Ouais. Les choses que je vois. C'était la chronique de mercredi dernier, le fil dans CNX.zip où on compresse les chroniques technologiques CNX diffusées dans l'assemblage requis du lundi au jeudi entre 15h et 17h. Je remercie pour leur participation évidemment Kiwan et Simon Fitzbé qui anime la pilule du lendemain, Krautrock, album classique, un paquet d'autres affaires, hein, on pourrait juste dire Simon Fitzbé, l'homme, la personne, la machine si on veut. C'est presque la fin de l'émission de cette semaine, hein, mais avant, on a quand même du contenu un peu ici à CNX.zip une fois de temps en temps. Alors regardons les nouveautés en magasin pour la semaine du 31 janvier 2010 en termes de jeux vidéo, évidemment. Sur PlayStation 3, il y a White Knight Chronicles International Edition qui sort demain. C'est un jeu de rôle. Star Trek Online sort sur PC demain aussi. C'est un jeu massivement multijoueur. Starker Call of Pripyat. Un shooter à la première personne sort demain sur PC aussi. Making History 2, The War of the World, un jeu de stratégie tour à tour, sort demain, c'est sur PC. Global Agenda sort aujourd'hui, un jeu massivement multijoueur pour le PC. The Sims 3, High End, Loft Stuff, un jeu de vie virtuelle, sort demain. Assassin's Creed 2 sort aujourd'hui, c'est un jeu d'action-aventure qui se rend sur le iPhone. Mm-hmm. Chime, un jeu d'arcade, sort le 3 février, c'est un jeu de rythme. Family Party 30 Great Games Winter Fun sort demain, c'est un jeu de sport. Mystery 5 Collection sort aujourd'hui, c'est une compilation qui inclut Sherlock Holmes de Silver Earring, Sherlock Holmes Awakened et Sherlock Holmes Nemesis. Il y a aussi The Mystery of the Mummy et Dracula Origins. Legends of Exidia sort aujourd'hui, c'est un jeu de rôle. Armored Core Silent Line Portable, un jeu de combat futuriste, simulateur de combat futuriste, oui, sort sur PSP. Imagine Reporter, wow, on est rendu qu'on étire vraiment le terme de la série Imagine. Vous vous rappelez des jeux Imagine Babies ou un paquet d'affaires où tu dois simuler que t'es une maman ou que tu t'occupes de peu importe plein d'affaires, de mode ou je sais pas quoi. Là, c'est reporter, donc imagine journaliste. Vivez la vie de reporter sur Nintendo DS. Tales of Monkey Island Chapter 5 Rise of the Pirate God sort aujourd'hui, c'est un jeu d'aventure. Et finalement, Downtown Texas Hold'em, c'est un jeu de casino si on veut. Voilà, ça sort aujourd'hui. Toujours selon GameSpot.com, voici les jeux les plus populaires présentement, qu'ils soient sortis ou non. En cinquième, Command & Conquer 4 Tiberian Twilight sur PC, c'est un jeu de stratégie qui sort le 16 mars. En quatrième, sur PC, Dragon Age Origins, c'est coté 9.5, c'est choix de l'éditeur. En troisième, Mass Effect 2 sur PC, est coté 9.0, c'est aussi un choix de l'éditeur. En deuxième, Mag sur PlayStation 3, un jeu d'action qui sort le 26, qui vient de sortir le 26 janvier. Et finalement, en première position, Mass Effect 2, qui est encore une fois choix de l'éditeur, mais cette fois-ci, c'est sur Xbox 360, c'est coté 9.0, c'est par Electronic Arts et BioWare. Voilà pour les jeux les mieux cotés sur GameSpot.com. Et on termine avec les mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec. En cinquième, ça descend l'Auto-Québec. En quatrième, ça monte Horoscope. En troisième, et le reste est stable en passant. En troisième, les packs. En deuxième, Hotmail. Et en première, c'est Facebook. Ce sont les mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. Voilà donc, voilà. Ah, mais c'est comme ça que ça se termine pas mal ici à CNX.zip pour cette semaine. Je vous remercie évidemment d'avoir écouté l'émission. On se retrouve lundi prochain à 10h, mais avant ça, il y a quand même Assemblage requis. Je vous le dis au jeudi entre 15h et 17h. C'est de là que les chroniques proviennent. On va se quitter avec une autre pièce qui est appréciée par les visiteurs de headbeatcollective.com. C'est l'artiste Henry Home Sweet avec la pièce Low Bit Basement Number 2. C'est le numéro 4 présentement. Et c'est une très longue pièce, donc ça va mené vers le dîner de cons qui commence à 11h avec Danny Janvier et André Baudet. Très bonne émission à eux et très bonne journée à vous. Bye bye. Dash.com. I'm going to go to the hospital. We'll be right back.